c'est la minute bashing où Léa va se faire plein de copains. Et cette semaine, le pantouf dans ta gueule, ça concerne qui? Eh ben, aujourd'hui, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule du meilleur film de tous les temps. Vous ne le voyez pas à la radio, mais je mime des guillemets parce que c'est le meilleur film de tous les temps, selon apparemment tout le monde. J'ai nommé Citizen Kane. À force de prêter à Citizen Kane la révolution cinématographique de sa structure, de sa photographie et de son découpage technique qui aurait influencé tous les films suivants, on en oublie un peu le fond et son manque flagrant de rythme. Le film est creux, l'histoire est loin d'être passionnante, à part le fameux Rosebud qui met un temps infini à arriver et qui finalement ne veut absolument rien dire. La structure, bien qu'originale, est très mal fichue car incohérente. Elle suit une facilité du réalisateur qui, quand ça l'arrange, passe d'un point de vue de personnage à un narrateur omniscient. Même la morale finalement sonne creux, en gros l'argent, ça corrompt, ça valait le coup, hein. L'introduction en documentaire est une idée novatrice certes, mais très longue et inutile car ça ne nous attache pas plus au personnage et tout est répété par la suite. L'aspect psychologique n'apparaît qu'en surface. Rosebud, qui est une des révélations les plus connues du cinéma, si ce n'est la plus connue, est une scène bâclée. Déjà, elle est pauvre techniquement, elle ne dévoile rien, mais se présente comme un twist et surtout, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. On n'a jamais évoqué l'enfance du héros et voilà que, pouf, on voit sa luge d'enfance, évidemment. Techniquement, l'argument n'est plus valable puisque les inventions ne sont par définition plus nouvelles dès le lendemain. Par conséquent, on ne peut pas déterminer la qualité d'un film via sa technique. La preuve en est du grand nombre de détracteurs d'Avatar. Oh. Un peu débordé. Un petit peu débordé. De deux secondes. J'ai encore des phrases, les gars. Oh là là. J'allais dire, elle est bonne tout court. Allez, voilà, on s'arrête là. T'avais des choses à dire, apparemment. Ah ouais. J'en ai encore. Comme chaque semaine, je déborde. Merci, Léa. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Hein, on rappelle qu'elle est sous protection policière. Excuse-moi, Orson. J'aime tes films, mais pas celui-là. Mais pas...